une histoire particulière. La semaine dernière, je vous posais une devinette. Il possède une barbe blanche, un visage au teint rose et un bonnet rouge. Avez-vous deviné? C'est un nain de jardin. C'est en 1880, dans la région allemande de Thuringe, que le céramiste Philipp Grebel invente les premiers nains de jardin. L'artisan s'est inspiré du mythe des gnomes, ces êtres malicieux vivant dans les sous-bois, et des mineurs locaux, qui portent un bonnet pointu pour amortir les chocs sur le plafond des galeries. Si on en croit les spécialistes, adopter un nain de jardin apporte bonheur et joie au foyer qui l'accueille. Allons vérifier cela avec Rachel Knebel et François Test. Nain de jardin, libérez-nous. Aujourd'hui, sur les traces du front de libération des nains de jardin Canal Historique, par Rachel Knebel et François Test. Benjamin, en 1996, vous avez quel âge? Vous vivez où et qu'est-ce que vous faites? Moi, j'ai 20 ans, j'habite à Alençon, en Normandie, et on s'ennuie ferme. Voilà. C'est une ville un peu grise, un peu endormie, il y a un beau patrimoine, mais on ne peut pas dire que pour les jeunes, ce soit véritablement une ville où on puisse s'amuser. C'est une ville froide, qui est dans une cuvette, et il fait tout le temps froid. C'est un département qui est en train de mourir, qui voit passer les trains, qui n'a pas d'autoroute, qui n'a pas de national. Enfin, c'est un département qui est en train de complètement flancher, quoi. C'est la Lozère de la Normandie. Et à l'été 1996, qu'est-ce qui se passe à Alençon? Pas grand-chose, à part que avec une amie, on décide d'aller kidnapper des nains de jardin. En 1996, en France, Jacques Chirac décide d'arrêter les essais nucléaires, François Mitterrand meurt, Internet existe mais personne ne l'a encore. En 1996, les Spice Girls sont en tête des ventes de disques. Au cinéma, on va voir Trainspotting, Independence Day et Mathieu Kassovitz décroche le César pour La Haine. En 1996, j'ai 13 ans, j'habite à Alençon dans l'Orne et on s'ennuie ferme. À l'époque, j'étais à l'université en biologie à Caen, et c'était la fin de l'année scolaire. Et j'avais des amis qui, justement, pratiquaient ça, m'ont raconté leur soirée où ils faisaient ça. Et du coup, c'était la fin de l'année scolaire, je suis rentrée à Alençon pour l'été, pour les vacances, et j'en ai parlé à mes amis, et on a décidé de poursuivre un peu l'histoire, parce que j'aurais bien aimé le faire à Caen, et j'avais pas pu le faire, et du coup, j'avais envie de le faire quand même. Donc j'ai ramené ça, mais c'est pas moi qui l'ai inventé en fait. Nous on a inventé le concept FLNJ et tout ça, mais le vol de main de jardin se pratiquait avant. Peggy, vous habitez dans l'Hérault, mais vous êtes originaire d'Alençon. À l'époque, dans les années 90, vous aviez une vingtaine d'années, vous avez fait partie des premiers voleurs de nains de jardin d'Alençon. Est-ce que vous vous souvenez de la première fois que vous avez volé des nains? D'abord, il fallait repérer des proies. Donc, on profitait de n'importe quelle sortie, supermarché avec les parents, balade en ville pour repérer des petits bonnets rouges en général dans les jardins. On faisait une liste, on repérait les nains qui nous paraissaient faciles à prendre. Et puis un soir, on se réunissait en général avec deux amis. On attendait une heure ou deux du matin, qu'il n'y ait plus personne dans les rues pour aller faire ça. Et on venait des cachets dans des garages en général. Donc on passait la soirée à attendre de sortir en fait. Je me rappelle beaucoup de soirées où on trouvait rien en fait. Il y a beaucoup de soirées où on a tourné dans le vide et il n'y avait rien. Et puis, je me rappelle de quelques-uns, ouais, mais j'ai jamais eu vraiment de soucis. C'est sûr que depuis, je pense qu'il y a pas mal de nains qui sont scellés dans la région par contre. Mais à l'époque, ça se cueillait comme des fleurs. Hein. Des fois, on tombait sur des lots, quoi. Je veux dire, des fois, généralement, c'était pas, il n'y en avait pas qu'un. Il y en avait 5, 6, voilà. Et quelle était la réaction des propriétaires de nains que vous voyez? En fait, on a découvert leur réaction au moment où tout ça s'est sorti, où il y a eu des reportages et où les journalistes allaient les voir, parce qu'avant, on n'était pas du tout, enfin, on les avait jamais vus. Donc, c'est là qu'on a découvert qu'on leur avait fait du mal, en fait. Il y en avait un, vraiment, il n'était pas content. t'es pas content. Ça nous a fait rigoler quand même. Je pense que le gars, depuis, il s'en est remis. Mais bon, sur le coup, c'est vrai qu'il avait l'air d'avoir encaissé un peu, quoi. Et qu'en faisiez-vous ensuite de ces nains ? Alors, bizarrement, le but, c'était quand même d'aller les libérer. À la base, c'était parce qu'ils étaient prisonniers dans les jardins, qu'on devait les remettre en condition, c'est-à-dire les relouquer, leur donner des provisions et tout ça, et les libérer dans la forêt. Et en fait, c'était pas l'événement qui nous intéressait le plus, nous, c'était vraiment le côté bande qui fait un peu des trucs qu'il faut pas faire ensemble, le côté un peu interdit. Il y avait tout le côté kitsch qui était à la fois une espèce d'attrait et de répulsion chez nous. Et qui, voilà, on les relookait parce que le look, voilà, bonnet rouge, on essaie d'enlever le côté bonnet rouge, petit pantalon vert, et leur donner une âme, une identité, en fait. Et puis nous, se l'approprier aussi, qu'on leur donnait un petit peu de nous. C'était des décorations qui nous correspondaient aussi. Et normalement, voilà, après, on les libérait dans la forêt avec... un peu de provisions pour qu'ils puissent tenir un peu. Et souvent, les gens les retrouvaient très rapidement et les ramenaient à la gendarmerie. Où sont les nains? Mon jardin sans mes nains, n'est plus mon jardin. Où sont les nains, mes nains? Michel de Villard, en 1996, vous habitez à Alençon. Qu'est-ce que vous faites comme profession ? Eh bien, à l'époque, j'étais journaliste à Ouest-France. Un soir, où je dînais dans mon jardin, j'ai vu des ombres passer, habillées en collant, avec des masques et tout. Je dis, qu'est-ce que c'est que ce bordel ? Qu'est-ce que c'est que ce truc-là ? Ils sont allés directement dans mon garage, mais comme s'ils connaissaient bien les lieux. Donc je me suis levée, je suis allée les voir, et puis ma fille baisse le masque, elle me dit « Maman, t'inquiète pas, on a monté un truc qui s'appelle le FLNJ. Ben, » Je dis « C'est quoi ça, le FLNJ ?» Elle me dit « C'est le Front de Libération des Nains de Jardin. » Donc ça se passait chez moi, mais moi je ne m'en étais pas aperçue de ça, c'était dans un garage, voilà, complètement confiné dans un coin, les nains étaient par terre, et puis j'ai vu ça, j'ai dit « Mais qu'est-ce que c'est que ce truc ?» Et je lui dis « Mais c'est du vol !» Elle me dit « Mais non, chut, faut parler de vol, on les libère !» Ah oui, mais tu les voles quand même. Et moi, j'étais très mal à l'aise par rapport à ça. C'est sûr que pendant un moment, j'ai quand même pas mal flippé. Hein. Rentrez. Hein. On a vu en passant devant votre maison que vous aviez ce joli moulin. Et on voulait vous demander si vous aviez aussi des nains de jardin. Oui, on en a, mais bon, bah, ils sont rangés, ils sont dans le garage du fond, quoi. On en a au moins une quinzaine. Mais... On les laisse l'hiver, parce que comme je décore la maison pour Noël, tout ça, donc on les enlève, quoi. On les remet au printemps. Mais l'hiver, on les met au chaud. Oui, mais on a déjà été interrogés il y a un certain nombre d'années. Quand il y avait eu les vols et tout ça, on était passé à cet été fin ou je ne sais plus, quelque chose comme ça. Ah oui. C'était un sacré truc à l'époque. Ça était passé sur Paris aussi, hein. Parce que mes nièces qui habitaient sur Paris. Bah, c'est tonton Bernard qui est là. Oui. Parce que vous aviez été volé. Oui, bien sûr. Oui. Bah oui, comme beaucoup de gens, quoi. Hein. Vous les avez retrouvés ? Oui, on en a retrouvé, mais pas tous. Mais pas tous. Pas ouais. tous. Mais ça ne nous empêche pas de continuer. Mais par contre, ben, tous les soirs, on les rentre. Nous sommes obligés. Oui, ils sont en enfilade, là, dans le couloir. Mais ils ne rentrent pas tout seuls encore, c'est dommage. Non, on n'arrive pas à les faire rentrer tout seuls. Depuis les vols, vous les rentrez oui, tous les tout à fait. Oui. Alors que... On a été pendant des années, ils restaient même dehors la nuit. Hein, on n'avait aucun souci. Et puis, il y a eu une période où il y a eu des vols et tout ça. Et depuis, bon, bah, on les rentre tous les soirs et on les ressort le matin. Hein. Et on en a une quinzaine à peu près. Ah, oui. Alors mon nom c'est Jean-Marc Seigné. Je suis journaliste dans le réseau de France Télévisions, précisément pour France 3 Bretagne, et je suis en poste aujourd'hui à Saint-Brieuc, dans les Côtes-d'Armor. Et en 96, à l'époque, je travaillais pour un journal qui s'appelle L'Orne Hebdo, et moi j'avais à cœur souvent de traiter le portrait ou l'anecdote ou le petit truc qui allait vraiment attirer l'œil du lecteur. Et c'était un peu ma marque de fabrique. Quand on est localier pour un hebdomadaire, chaque jour, on fait un peu la tournée des popotes, on frappe à la porte des gendarmeries, des commissariats, on va voir monsieur le procureur pour savoir s'il y a une affaire qui a un peu de tenant. Et puis, cet été-là, c'était vraiment morne pleine, et je pousse la porte du commissariat, il y avait absolument rien, la ville était on ne peut plus calme. Et là, il y a un inspecteur qui me dit « À moins que tu t'intéresses à un vol de nain de jardin, je vois pas ce que tu pourras te mettre sous le coude ». On va dire que j'ai enquêté tout de suite comme un malheureux, comme un mort de faim. Mais bon, j'ai semé quelques miettes ici ou là, notamment dans les bars où les étudiants se réunissaient pour savoir si d'aventure j'allais pouvoir croiser quelqu'un qui allait pouvoir me mettre un petit faisceau de lumière sur ce fait divers qui valait pas tripette. Et puis, quelques mois plus tard, il y a quelqu'un qui m'a dit non, il y a vraiment un groupe constitué qui s'amuse à dérober les nains. Mais c'était pas un vol pour le vol. Je crois que c'est le leader à l'époque du petit groupe d'Alençonnais qui s'amusait à donner une seconde de jeunesse, une seconde vie à ces pauvres nains, qui m'a approché. Et puis, je suis allé voir Benjamin et il m'a raconté un peu de son intention première. On avait cette petite dent un peu contre le mauvais goût et contre les choses qu'on appelait un peu, qu'on considérait un peu comme beauf à l'époque. Et pour nous, le nain de jardin, c'était un peu l'emblème et on avait une petite dent contre ça. C'est un peu l'emblème de ce conformisme dont on essayait de s'enfuir, tout simplement. Enfin, c'était pour nous, ça représentait toute cette petite vie bien, bien tranquille, bien posée, où on se pose plus de questions et où on n'a aucune culture et on prend cet objet qui est très laid, faut le dire, hein, et on le pose dans son jardin, voilà. Et nous, on trouvait ça vraiment ridicule. Donc voilà, on s'attaquait à ça, mais aussi sûrement parce que il y avait que ça de disponible, de toute façon. Enfin, on n'allait pas rentrer chez les gens pour aller leur piquer leur horloge, leur coucou, leur je sais pas quoi, ou leur, je sais pas, après, il y a plein d'objets, leur boule à neige, par exemple. Il y a des tas de choses comme ça, mais le nain de jardin, il était disponible, il était là, donc voilà. Dernière nouvelle. Les gangs des nains de jardin. Au cours de la nuit. Le 9 janvier 1997, il y a un article qui parle de vous. Dans le Parisien, c'est ça ? Exactement, ouais. On a fait la couverture du Parisien le 9 janvier. C'est parti un peu très vite tout ça, puisque c'est L'Orne Hebdo qui a donc fait un article, Jean-Marc Seigné qui a fait un article dessus. Le Parisien qui reprend ça le lendemain, et là après c'est boule de neige, quoi. Après on a, nous à Alençon, il se passe jamais rien, et là tout d'un coup il y a toutes les chaînes qui veulent venir, il y a tous les journaux qui nous appellent pour avoir une interview, donc c'était vraiment une semaine incroyable. Du coup, on a été occupés cette semaine-là. On termine par une histoire avec des choses bizarres qui se passent dans la région d'Alençon. Figurez-vous que de mystérieux commandos ont décidé de libérer les nains de jardin, c'est-à-dire de les retirer de nos jardins et de les relâcher en forêt où, paraît-il, ils sont plus heureux. Résultat, on ne compte plus les propriétaires de ces charmants petits bonhommes en porcelaine ou en plastique dépossédés de leurs biens. Les opérations sont revendiquées par un très sérieux front de libération des nains de jardin, le FLNJ, enquête sur le terrain et au péril de sa vie de Laetitia Gaillet. Ça n'est pas une blague, le front de libération des nains de jardin existe vraiment. Les commandos pacifiques sont structurés et agissent toujours par groupe de 7 la nuit. Ils ont pour égérie, là non plus, ça ne s'invente pas, Blanche-Neige. Moi à l'époque, je trouvais ça drôle, tout simplement drôle, je trouvais ça décalé. C'était vraiment la blague de potache. Pour moi, ça ne devait pas dépasser la blague de potache. Mais je trouvais ça drôle et finalement, donc j'ai rédigé un papier, je l'ai imposé, mais enfin, vraiment en deuxième choix dans les articles du Canard. Et alors là, ça a été tout de suite le coup de folie, quoi. Mais immédiatement, dans les deux jours, ça a pris des proportions. Je me rappelle, moi qui étais vraiment le tout petit localier de la rédaction, je rentrais à la rédac, j'avais un pic avec les messages écrits que les secrétaires enregistraient. Je rentrais, il y avait 20 messages, il fallait rappeler tous les médias, mais en plus, énormément à l'étranger, quoi. Parce que immédiatement après mon premier papier qui est sorti dans le journal, il y a eu à la fois une grande dépêche AFP et une dépêche de Reuters qui sont sorties en même temps. Et le premier journal qui a relayé l'information le vendredi, c'était un journal australien. Et là, c'est culturel. On voit que la BBC mord très très vite à l'hameçon. Elle ouvre ses journaux avec ce fait divers. Elle cherche par tous les moyens à avoir des membres du commando pour s'exprimer. Enfin, il y a énormément de gens, les Allemands aussi. Mais tout ça parce que en Angleterre, on sait très bien que les jardins, c'est vraiment un domaine sacré. En Allemagne, c'était de bon ton d'avoir aussi des nains de jardin. On sait qu'il y a des fabriques de nains de jardin qui, à l'époque, étaient en train un petit peu de tomber, de pratiquement de fermer leurs portes, qui ont été relancées par ce fait divers-là. C'était un soir au clair de lune, ouvrant la porte en joie tout gai. Trois secondes après, deux hommes en noir avaient piqué mes nains de jardin. Vous vous souvenez avec quels journaux, quelle télévision vous avez parlé? Comment ça se passait? Vous avez donné des interviews? Alors la pire qu'on a fait, je crois, c'est moi qui ai répondu à l'interview et c'était le tout début. C'était avec ProSieben, une chaîne allemande, qui sont venus chez moi, qui nous ont demandé plein de questions très agressives. Et vous savez que vous blessez des enfants, des trucs comme ça. Et moi, je savais pas du tout répondre. Donc, du coup, j'ai répondu par la provoque en disant exprès ce qu'ils voulaient pas entendre. C'est-à-dire? C'est mal passé. Bah, de dire oui, bah, je m'en fous de voilà, bah, les enfants, ils vont qu'à s'intéresser à d'autres choses qu'à des nains de jardin. Ouais, quoi, j'ai pas du tout essayé de dire pardon. Oui, je sais, on a fait du mal ou des choses comme ça. Et l'autre, c'était une équipe de Canal+, qui nous ont carrément, avec du recul, je me demande comment, pourquoi on a fait ça. Ils nous ont demandé de voler des nains de jardin pour leur prouver qu'on était bien le FLNJ. Et en plein jour. Parce qu'ils voulaient pas travailler la nuit. Ils nous ont demandé de voler des nains de jardin, donc on était cachés des nains de jardin dans le jardin de la grand-mère d'une amie. On nous a dit, on va venir à telle heure, t'inquiète pas. Et voilà, du coup, on a fait ça. Je ne sais pas pourquoi, mais on l'a fait. Quand Jean-Marc Seigny a voulu faire un article, il a fallu qu'on présente les choses d'une certaine manière. On n'a pas compris, déjà, on ne pouvait pas montrer nos visages, on ne pouvait pas donner nos noms. Il fallait qu'on donne une explication aussi, quelque part, à tout ça. C'est là qu'on a commencé aussi à réfléchir à un nom, à... Parce qu'à la base, en fait, nous, on les pique, on les repeint. En même temps, on disait, on va les libérer, c'est pas du vol. Et puis, après, et bah, avec l'article, il a fallu faire une photo, donc on avait les masques, enfin, il a fallu mettre des bas pour pas qu'on nous reconnaisse, etc. Donc tout de suite, ça a donné un peu une légende à tout ça, quoi. Quand c'est sorti, il leur a fallu des images, donc il leur fallait cette image de nous libérant les nains dans la forêt. Il a fallu savoir quoi répondre et donc conceptualiser un peu l'ensemble. Finalement, le nain de jardin, c'est pas du tout notre ennemi, c'est notre ami devant l'éternel. Nous, on est là pour, on est juste des sauveurs, on n'est pas du tout des voleurs. On a tourné ça un peu à la dadaïste, on a un peu. À ce moment-là, vous étiez plus que deux. Ah oui, mais pour la télé, ouais, on était 5, 6, 7, ouais, je sais plus combien on était, 6, parce que on voulait faire des petits feux d'artifice, on voulait cracher du feu, on voulait, voilà, on voulait que ce soit un peu. Ils se sont baptisés le Front de libération des nains de jardin. Depuis l'été dernier, près d'Alençon, un commando subtilise la nuit ces petits personnages charmants et décoratifs. Un commando qui veut leur redonner la liberté. Et hier soir, tout le monde s'est retrouvé dans la forêt d'Écouves. Reportage de Gilles Lemorvan et François Orme. Nous ne sommes pas en Corse, mais bien en Normandie, dans ce pays d'Alençon d'ordinaire si tranquille. Ces maquisards ne sont pas bien méchants, mais ils ont un vilain défaut. Ils n'aiment pas les nains de jardin, ou plutôt ils n'aiment pas les nains dans les jardins, ils les préfèrent en liberté. Jean-Marc Seigné, est-ce que vous avez suivi les voleurs de nains parfois dans leurs équipées? Alors moi je les ai suivis sur la première libération qu'ils ont fait un soir, je crois, de janvier. C'était en pleine forêt d'Écouves. Au milieu de la forêt, et c'est vrai que c'était enfin drôlissime, quoi. Il y avait beaucoup, enfin il y avait quelques journalistes, il y avait je crois un collègue d'RTL, il y avait un collègue de France 3 Normandie, et on était absolument étonnés par le côté amateur, improvisé mais drôle. Je me rappelle de Benjamin sur les images de France 3 qui apparaissaient le lendemain sur toute, même sur le réseau national, avec sa cagoule, avec l'étiquette. Vous savez que les mamans ont la bonne idée de coudre avant de partir en colonie de vacances, où c'était marqué Benjamin. L'anonymat était un petit peu... Ouais, c'était pas top. On était vraiment, vraiment dans la blague de potage. Mais c'était le coup de libérer qui les amusait terriblement, parce qu'il les libérait uniquement en forêt. Il leur faisait des petites cabanes, il mettait du lait, du pain. Il y avait presque un gilet de survie. Et les gendarmes retrouvaient ça, quoi. Donc ils disaient, bah, c'est encore un coup du FLNJ. Voilà. Par contre, assez rapidement, les autorités s'en sont un peu émues, quand même. Hein. La gendarmerie s'est bien gardée de sourire et a très vite dit que, attention, on pouvait aussi montrer le bâton, qu'il fallait pas que ça fasse boule de neige. Sur la région d'Alençon, ça a été assez contenu. On peut pas dire que le groupe se soit énormément étoffé, mais par contre, ils ont fait des émules ailleurs, et dans d'autres régions de France, et beaucoup. Il y a beaucoup de groupes constitués qui sont apparus à cette époque-là. Qui a bien pu faire déplacer caméra et presse nationale aujourd'hui au tribunal de Béthune ? C'est Joyeux, ou plutôt lui et ses 200 frères, Nains de Jardin, enlevés puis libérés par le fameux Front de Libération des Nains de Jardin. Les premiers qu'on m'a volés, bon, bah, j'ai dit, c'est un gosse qui s'est amusé. Mais après, tout complètement, ça a été vraiment... J'ai été soignée pendant 2 mois et demi. Ça m'a vraiment choquée. À cette époque-là, ça a déclenché un peu une mode. Tout le monde s'est mis un petit peu à voler des Nains de Jardin. Et on s'est retrouvés avec beaucoup d'accusations sur le dos qui n'étaient pas du tout de notre fait. Et notamment des gens qui avaient porté plainte à la gendarmerie. On savait qui c'était parce qu'ils avaient fait des articles dans le journal. Et on savait très bien que c'était pas nous qui avions volé les nains. Donc on s'est dit, bon là, on va se prendre tout le monde sur toutes les accusations sur le dos. Donc on s'est dit, bon là, on va calmer un peu l'histoire. Et j'avoue que ça nous a un peu ralenti quand même, ce côté médiatique. Quoi. Je pense que c'est vraiment le truc qui a stoppé l'histoire. Quoi. J'ai été surpris par le tout... Enfin, l'effet boule de neige de cette histoire, c'était un peu le buzz avant le buzz, en fait. Hein. Il n'y avait pas Internet à l'époque. Et je pense que s'il y avait eu Internet à l'époque, ça aurait été encore beaucoup plus vite. Mais pour nous, on est vraiment tombé sur le cul. Et... D'ailleurs, quelque chose d'assez surprenant, c'est qu'on pensait quelque part... en voulant, en fait, détruire ce symbole, en fait, les années qui ont suivi, ça s'est multiplié par 5, les ventes. Donc... On a un peu fait l'effet inverse. Vous trouviez ça drôle, intéressant, ridicule ? Moi, je ne voyais pas trop l'intérêt, mais bon. Et il y a eu un truc drôle, c'est que mon père, qui habitait la maison où étaient les nains de jardin à l'époque, mais il ne le savait pas, me dit un jour, en voyant ça à la télé, il me fait « T'as, Alençon ? » À tous les coups, c'est des mômes de bourgeois qui s'emmerdent et qui font n'importe quoi. Tu te rends compte, ils vont voler des nains de jardin ? Et ma fille est au bout de la table, et elle piquait le nez dans l'assiette, et elle disait rien du tout. Parce qu'on est obligé de le cacher à mon père, ça aurait été... Oh, lui, ça aurait été vraiment du vol, et de l'escroquerie, etc. Vous aussi, c'est votre analyse, qu'il s'agissait d'enfants de bourgeois ? Non, c'était pas que des enfants. Enfin, il y en avait, bien sûr. Il y avait tout un... Il y a un brassage, il y avait plein de mômes, quoi. Ils étaient 8, de milieux différents, mais ils s'ennuyaient, ça c'est sûr. C'est Alain Lambert à ce moment-là qui est devenu ministre ensuite du budget ou je ne sais quoi, qui est maire à ce moment-là. Je sais qu'on se moquait de lui, hein, dans les couloirs de l'Assemblée. Je sais que lui, il en avait marre qu'on parle d'Alençon en tant que vie du nain de jardin. Enfin, non, à l'Assemblée nationale, ses collègues se moquaient de lui et ça lui plaisait pas beaucoup. Jean-Marc Seignier, vous avez couvert les premiers vols de nains de jardin à Alençon par le Front de Libération des Nains de Jardin. Au fil des années 2000, les vols de nains de jardin se sont progressivement arrêtés et pourtant, le Front de Libération des Nains de Jardin est toujours redouté. Oui, complètement. Il est toujours redouté. Et puis, c'est vrai que ne serait-ce que l'appellation Front de Libération des Nains de Jardin, ça a fait grincer quelques dents, notamment... chez nos amis corses au FLNC, parce que bon, il y avait un côté, on va dire, un petit trou de la lorgnette, on se moque un peu, on reprend à son compte un intitulé qui normalement fait frémir, et là fait rire, donc ça plaisait pas énormément. Après, au nom de ce FLNJ, il y a plein de groupes qui se constituent, qui font un peu n'importe quoi. Je crois savoir qu'il y a même des gens qui se sont dit, on embarquera bien un jour Ronald McDonald. Et moi, je sais qu'un jour, J'ai été très très amusé en voyant débarquer dans mon bureau, mais c'était bien des années après, un monsieur des renseignements généraux qui passait comme ça. Puis il était un peu dans la position du monsieur qui écrase son mégot, il savait pas trop comment réussir sa sortie. Et puis il me dit, au fait, tu te rappelles de cette histoire de Front de Libération des Nains de Jardin? Et en fait, il m'avouait, à la fin de l'entretien, il était venu tout simplement pour savoir si il y avait encore des groupuscules véritablement actifs, parce qu'ils avaient été alertés eux-mêmes par les autorités belges, parce qu'il y avait des menaces sur le Manneken Pis. Donc on se dit, activer tous les services de l'État pour une blague de potage 4 ans après, je trouvais ça, fallait qu'ils fassent quand même un petit rapport, en disant, est-ce que ceux-là sont capables d'eux? Alors que non, c'était, mais quand on connaît les gens qui étaient à l'époque à la tête de ce truc-là, c'était vraiment des bons copains, une blague d'étudiants qui avaient envie de rire et de sourire. Et dans le soir, j'ai rencontré un nain de jardin de désespoir, car il avait un gros cafard, c'était un nain, et ça s'appelait le nain de jardin. En quoi ce geste-là a donné un cours particulier à votre histoire personnelle, à votre carrière, à votre vie, à ce moment-là? Bah oui, parce que moi, à cette époque-là, j'étais parti pour être, devenir animateur socioculturel, j'ai pas beaucoup de, j'ai rien en tête. Et d'un coup, il se passe ça, et je me dis, maintenant, bah, je peux peut-être faire les Beaux-Arts, je peux peut-être justement poursuivre sur cette voie et continuer aux Beaux-Arts et voir si... parce que finalement, c'est ça qui me plaît, de conceptualiser des choses, d'avoir une idée, puis de la développer. Aujourd'hui, Benjamin, quel âge avez-vous et qu'est-ce que vous faites? J'ai 40 ans, 41 ans demain, et j'ai un studio de création à Paris. Voilà. Je fais de la pub, des clips, des films d'animation. Voilà. Moi, l'enseignement, j'en ai tiré. C'est que malgré tout, à cette époque de l'année, même si on parle de trêve de confiseur à un moment donné, il y avait quand même une actualité. Moi, je me rappelle de l'ouverture du journal de France 3 National le soir de la libération en forêt des Couves. Ça coïncidait avec la disparition de Jean-Éder Nallier, je crois que c'était à Deauville, en faisant du VTT. Eh bien, le journal a fait une fausse ouvre. Ils ont fait une fausse ouvre, mais d'abord, on va parler de la libération des Nains de Jardin qui est intervenue ce soir. Là... jeunes journalistes, on se pose des questions, on se dit « Ah ouais, quand même ». Et là, je me suis dit, il y a vraiment des petites histoires qui, parfois, peuvent s'imposer au-delà de la grande. Et ça, c'est riche d'enseignements pour le jeune journaliste que j'étais à l'époque. Je me suis dit, là, effectivement, la hiérarchie de l'info, bah voilà, parfois, ça peut être chamboulé. C'était Nains de Jardin, libérez-nous, avec Benjamin, Peggy, Michel de Villard, Jean-Marc Seignier. Merci à Clémence, Marie, Nicolas, Erwan et à la rédaction locale du journal Ouest France d'Alençon. Archivina, Viviane Lefebvre. Coordination, Christine Bernard. Un documentaire de Rachel Knebel et François Teste. Nains de Jardin demain, dimanche, avec le second épisode. Ce sera à 13h30.